comment la folie hante-t-elle la philosophie? La philosophie semble évidemment concernée par la question de la folie. La question de la folie qui menace le fondement même de la philosophie, c'est-à-dire la capacité à penser, à raisonner de manière ordonnée, à maîtriser le désordre du monde par un discours logique, un discours argumenté, qui permet aussi la compréhension entre les humains et sans doute une relation à soi-même à peu près ordonnée. Mais justement, pour cette raison, parce que la pensée et la raison elles-mêmes sont au cœur de la philosophie, la folie en est le risque intérieur, le risque fondamental. Et la philosophie n'a pas aussi été sans être fascinée par les capacités de révélation de la folie, d'une folie qui continue de parler, dans certains cas, ne serait-ce que par un langage critique, parfois un langage désordonné, un langage même du corps, comme dans les cours royales où le fou du roi occupe une position de vérité, de dire ce qu'il n'est pas possible de dire, de transgresser sous le signe de la folie les interdits sociaux de la pensée. La philosophie a donc toujours été environnée par la question de la folie. Mais de quelle façon exactement? L'une des thèses les plus célèbres et les plus discutées du grand livre de Michel Foucault, Histoire de la folie à l'âge classique, consiste à dire qu'il y a eu un moment critique, où la philosophie, au lieu d'accepter le risque et la pensée de la folie, l'a exclu. Ce risque, c'est celui qui est au cœur de son livre, Histoire de la folie à l'âge classique, et qu'il impute notamment dans les grandes méditations métaphysiques de Descartes, où Descartes est censé affronter tous les risques du rêve, les risques de l'erreur, les risques même de la tromperie divine. Selon Michel Foucault, Descartes, dans ce passage, exclurait au contraire la folie en se demandant si, dans son doute, il n'est pas en train de devenir fou. Mais là, il dit, au contraire, les fous ne sont pas des êtres humains, il ne faut pas les prendre au sérieux. Mais quoi ? Dit Descartes, ce sont des fous. Ainsi, Descartes, au lieu d'inclure la folie dans la pensée, l'exclurait, légitimant ainsi les exclusions sociales que Foucault veut critiquer dans son livre. À cette thèse de Michel Foucault, cette thèse d'histoire de la philosophie, il y a eu une réponse, une critique, à laquelle Foucault répondra lui-même dans la deuxième annexe qu'il joindra à la deuxième édition de son livre. Cette critique vient de Jacques Derrida, un grand contemporain de Michel Foucault. La thèse de Derrida, c'est que, contrairement à ce que dit Foucault, Descartes lui-même, dans ses méditations métaphysiques, inclurait le risque de la folie. Non, la folie n'est pas rejetée par Descartes dans un dehors de la pensée, un dehors absolu, où il faudrait peut-être aller la récupérer. Non, Descartes l'affronte de l'intérieur, comme tous les grands penseurs, comme au XVIIIe siècle, avec le neveu de Rameau, ce fou intérieur à la philosophie. Et pour Derrida, ce n'est pas un geste pacifiant de dire ça. C'est au contraire beaucoup plus tendu, car la différence vient se loger dans la pensée elle-même, et chaque philosophie livre un combat intérieur avec le risque de la folie. Qui a raison ? Antise de l'exclusion et du rejet, ou antise du fantôme intérieur et du combat intime ? Antise de l'exclusion politique, ou antise de l'inclusion critique ? Par la folie et par le doute. Dans les deux cas, en tout cas, il n'y a pas de philosophie qui ne mesure sa différence avec la folie, non pas pour l'accueillir, pour y résister, et pour, en même temps, la comprendre au double sens du mot, comprendre que c'est l'envers de la pensée, accompagné d'une souffrance, mais aussi d'une certaine charge de vérité.